Un nouveau fait s'est révélé, selon lequel les autorités sud-coréennes se sont montrées serviles et rusées en vue de la mise en vigueur de l'accord sur le problème de l'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise. Le 18 octobre, un parlementaire issu de l'opposition a dénoncé que l'accord entre le Japon et le gouvernement de Bakune note que le problème d'esclavage sexuel est réglé définitivement et irréversiblement, à condition que le Japon prenne loyalement la mesure de payer 1 milliard de yens. Autrement dit, les excuses sincères du Japon ne sont pas présentées comme condition de la solution du problème. Pourtant, lors de la conférence de presse tenue après les négociations, le Japon et les autorités sud-coréennes ont décrit qu'avaient été présentées suffisamment les excuses du gouvernement japonais à travers l'accord.